Vous avez le projet de lancer une entreprise, d'acquérir une compagnie ou encore de développer votre entreprise? La SADC Maria Chapdelaine est présente malgré la crise de la COVID-19. Notre équipe peut valider une occasion d'affaires, rechercher du financement d'entreprise ou même participer financièrement dans certains cas. Contactez-nous au 88-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de souligner l'importance de la forêt pour la région dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien sait ce que représente la forêt. La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois ainsi que des chargeuses en forêt. Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel Saint-Félicien. Pour les rejoindre, composez le 88-679-4194. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et... Sur le coup de 16h30, hier, Gary Bettman a tenu une conférence de presse pour dévoiler les grandes lignes de ce plan pour le retour du hockey cet été. C'est quand même assez incroyable, du hockey en plein mois de juillet au mois d'août. On va en parler avec nos collaborateurs à table ronde, Marc Fortier, Stéphane Nabeau. Salut messieurs! Salut les gars! Marc, on va commencer avec Marc et ensuite on va y aller avec Stéphane. Marc, comment tu as trouvé ce plan-là? Ben écoute, moi là, c'est sûr et certain que y a une question qui est strictement monétaire à mon avis là, parce que avoir du hockey là au mois de juin, juillet, août, c'est peut-être pas ce qui va être le plus attrayant, surtout si y a pas de foule pour les matchs. Alors ça va être seulement des matchs télévisés. Je suis pas sûr qu'en plein été, quand il va faire chaud, que les gens vont avoir le goût d'être assis devant leur téléviseur et regarder un match de hockey de la Ligue nationale. Recomposé d'urgence là avec un mini camp avec des équipes qui devaient même pas être dans les séries qui finalement le sont. Alors ça fait drôle un peu. Stéphane, t'es d'accord avec moi que dans le fond là, on sait pourquoi ils font ça, c'est justement pour honorer les contrats de TV avec Sportsnet parce que c'est une vache à lait. Les joueurs ont pratiquement tous reçu leur argent, leur chèque. Et finalement, ben, c'est les propriétaires qui vont empocher plus. Sauf qu'ils vont quand même limiter, je pense, les pertes. Mais quand même, ça va décaler sur toutes les autres années. Là. C'est ça qui est incroyable là-dedans. Là. Ben, il va falloir évaluer les impacts à long terme éventuellement, de toute évidence. Je partage beaucoup l'avis de Marc. Écoutez, les gars, comme vous autres, moi, ma vie est plus belle quand il y a du hockey. Surtout quand le Canadien joue, je me lève le matin, je suis excité, c'est le fun. La vie est plus belle. Mais dans le contexte qu'on vit actuellement, on voit vraiment que c'est le capitaliste à l'état pur qui veut faire forcer les choses pour soit augmenter les revenus ou diminuer les pertes. Et dans le cas de la Ligue nationale, on est prêt à tout chambouler la façon dont on fait le hockey, l'historique, les séries, les saisons, tout ça pour venir minimiser les pertes monétaires. Évidemment, les pertes monétaires sont importantes et j'en suis bien conscient. Mais il y a aussi toute l'évaluation du contexte. C'est des projections actuellement, mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va mettre les joueurs en danger? Est-ce qu'on va mettre leur famille en danger? Parce que si on permet aux joueurs de hockey de faire un retour au travail, pourquoi eux autres seraient des privilégiés? À ce moment-là, il va falloir qu'un paquet d'autres personnes pourraient revenir à jouer au hockey. Peut-être pas devant des foules, mais pourquoi est-ce qu'on traiterait des joueurs de la Ligue nationale ou les athlètes professionnels sur le simple critère de la finance, alors que la santé, dans ce dossier-là, depuis le début, on prône que c'est la santé qui la priorité des différents gouvernements. Stéphane, là-dessus, moi, je suis pas d'accord avec toi, parce que je me dis que le sport, c'est tellement important. Il n'y en a pas de sport. Et à quelque part, c'est quasiment un service essentiel, parce que m'a dit en affaire, c'est moche pour le moral, à mot t'as dit pour le monde aussi, là. T'sais, moi qui. Ben paye... ça, je suis d'accord avec toi, Danny, que c'est moche. Je suis le premier à dire que ma vie est plus belle quand il y a du sport. C'est la saison de golf. On a manqué la Master, on a manqué plein de tournois. Les tournois de tennis, j'en souffre énormément. Ouais. Mais il y a le contexte de la santé. Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui voyagent, ceux qui vont côtoyer ces joueurs-là? Alors, dans le fond, ce qu'on dit, c'est l'état de santé ou l'urgence de la santé, c'est pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Je trouve que c'est un double discours qui est basé sur le côté financier. Il y a des travailleurs essentiels, mais est-ce que des joueurs de hockey, c'est vraiment essentiel? Depuis deux mois, on a vu là, que c'était pas vraiment des personnes essentielles dans notre société. Marc, comment tu trouves ça? Moi, je suis pas d'accord avec toi. Ça, c'est pas grave, mais on peut pas toujours être d'accord. Marc, comment tu trouves ça, toi? Moi, je trouve que le moral, en tout cas, moi, ça me manque beaucoup. Ça me manque beaucoup, le sport. Non, mais je pense que le bout que tu manques un peu, puis que je suis d'accord avec Stéphane, c'est que là, la décision est basée sur des athlètes qui sont surpayés dans un sport que c'est l'argent qui mène. Mm. Puis là, tu vas dire aux autres, tu vas dire aux hockey mineurs, tu vas dire aux écoles de hockey, tu vas dire à toute la communauté du hockey que vous autres, vous pouvez pas. Quand il y a des athlètes professionnels, eux autres, ils vont pouvoir. La maladie, là, elle fait pas de discrimination. Ouais. Elle, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois qui que ce soit, la maladie est prête à te sauter dessus, là. Mm. Alors, comment-tu, je le comprends, dans le sens, c'est deux pas, deux mesures, dans le sens qu'on s'entend-tu, là, honnêtement, là, on s'entend-tu que la décision est monétaire, là, on s'entend, puis je vais dire, comme Stéphane l'a dit, je sympathise avec eux autres, là, on parle de millions de dollars d'investis, c'est une grosse business, puis je suis d'accord, parce que, regarde, mes chums restaurateurs, moi, mes chums qui ont des bars, j'en gère un pub, puis je peux pas le faire, là. Mm. Je m'occupe des ligues de garage de hockey, puis crime, ça me manque, moi, les boys, puis tout le monde m'appelle, puis Marc, l'aréna va-tu rouvrir, on veut recommencer à jouer. Mais c'est la santé publique qui prenne la décision et les gouvernements qui prennent la décision, mais tout d'un coup, pour les athlètes professionnels, ça, la santé publique, tout d'un coup, va l'accepter. C'est juste ça, là. Il y a une zone un peu où c'est entre deux chaises, puis encore une fois, on semble privilégier les athlètes professionnels. Fait que c'est juste ça. Stéphane, ça va être tout un défi à parler de ça, là. Réunir tout ce monde-là dans deux villes, c'est deux. T'as déjà été dans la Ligue nationale, les deux, en fait. Elle m'a dit dans l'affaire, pour les organisateurs et pour la Ligue nationale, c'est tout un défi aussi. On parle de nettoyer, désinfecter les chambres, les vestiaires et ainsi de suite. Ça va tout être une affaire, ça? Ben, c'est sûr que ça va être toute une logistique. À l'aréna, dans les vestiaires, les places communes, à l'hôtel, les autobus, les avions qui vont s'y rendre, ça va être des avions nolisés. Mais au travers de ça, bon, on souhaite vraiment là, que tout va bien se passer. Mais si il y avait un cas chez les Penguins de Pittsburgh. Tout le protocole à suivre par la suite, c'est compliqué. Est-ce que l'autre équipe qui a joué contre eux autres deviennent des potentiels cas affectés? Écoute, moi, je souhaite qu'on revienne le plus rapidement possible à notre ancienne vie. La COVID-19, pour moi, là, a posé plus de problèmes que de positifs. Mais chose, pourquoi avoir deux discours différents pour la population ordinaire et puis la population professionnelle? Oui, l'économie, c'est important, la finance, je comprends tout ça, mais ça sera à voir. Mais s'il y a du hockey, c'est certain que je vais le regarder, je vais avoir de l'intérêt, mais je me questionne sur ces enjeux-là. Marc, comment ça va ressembler à quoi le calibre, compte tenu que ça fait trois mois que ça n'a pas joué, après ça, devant pas de foule, on va dire que la foule, quand même, à quelque part, ça l'emmène une certaine adrénaline. Ça pourrait ressembler à quoi? Bien, je vais te dire que moi aussi, je me pose la question, parce que sans spectateurs, là, veut pas, ça fait hockey d'été pas à peu près. Là. Alors, est-ce que les joueurs vont être motivés à se donner autant qu'ils se donnent. Tu sais, veux pas, tu penses toujours à t'arriver dans le coin qu'un gars, tu te chamailles, tu te parles d'en face un peu, est-ce que lui, je vais recevoir de sa sudation, est-ce que je vais être contaminé? Ensuite de ça, je retourne à l'hôtel, moi, supposément que les familles vont suivre avec les enfants. Fait que là, eux autres vont dans un environnement peut-être à risque de propagation, ils se retournent à l'hôtel avec la famille après. Tu sais, il y a plein de choses en suspens, mais parlant hockey, j'ai de la difficulté à penser que les joueurs vont revenir à un niveau qu'ils joueraient normalement là, dans une saison régulière. Puis spécialement, là, on parle plus de saison régulière, là, on parle de l'enjeu important, les séries éliminatoires, où normalement tu joues aux deux jours avec une intensité tellement demandante. Tu peux demander à Stéphane qui l'a vécu, ouais, la conquête de la Coupe Stanley. C'est tellement demandant, mentalement, physiquement et tout. Mais là, tu lui demandes comme ça, bang, du jour au lendemain, de revenir dans un niveau de jeu aussi élevé. Je suis pas sûr. Stéphane, toi, comment tu trouves ça? J'ai de la difficulté à comprendre que le focus et la concentration des joueurs vont être là à 100%. Ouais. Dans tout le contexte, leur propre sécurité, leur sécurité familiale. Est-ce que tous les joueurs vont se présenter d'un? Ça serait intéressant de voir ça. Par la suite, vous l'avez parlé un petit peu, là, jouer devant des arénas vides. On a vu un petit peu le soccer là, dans différents pays jouer devant. Ouais. Ça faisait très drôle. Même pour les joueurs, c'était très étrange. Est-ce qu'on va être capable de créer une ambiance? Est-ce qu'on va voir toute cette énergie-là qui, normalement, on voit dans les séries éliminatoires? Moi, je regarde le baseball en Corée, Stéphane, parce que moi, je suis un grand amateur de baseball, puis il m'a dit, en effet, ça fait très bizarre de voir un stade pas de foule, là. Effectivement, les entrevues entre les périodes, tout ça, donc, mais encore une fois, c'est fait pour minimiser les pertes financières. À quel point les joueurs vont vraiment embarquer dans ce processus-là, puis on en a parlé en début d'entrevue. Les répercussions, après, on finit quand, on recommence quand, et là, ça vient tout chambouler la réalité de la Ligue nationale. Écoutez, moi, j'aurais été plutôt été en faveur de dire, OK, on prend la pilule pour cette année, c'est malheureux qu'est-ce qui se passe. On fait état, là, on annule les séries éliminatoires, on donne les trophées en fonction de ce qui s'est passé, on fait la loterie du repêchage en fonction de ce qui s'est passé cette année, et on reprend la saison idéalement en septembre ou en octobre avec un calendrier complet, et on repart la machine de la Ligue nationale. Sinon, on la retarde et on diminue la saison. Mais écoutez, c'est pas la première pour croire... fois, Stéphane, c'est pas la première fois. La Coupe Stanley, c'est pas la première fois avec le lock-out, là. Il y a eu une année qu'il n'y a pas eu de hockey du tout, là. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, si on fait juste les équipes qui ne participaient pas aux séries éliminatoires, dont le Canadien, et là, on arrive dans un contexte complètement différent. Est-ce que, advenant qu'une équipe comme Chicago ou Canadien causerait la surprise, gagnerait la Coupe Stanley, quelle valeur qu'on pourrait attribuer à cette Coupe Stanley-là de la part de ces équipes-là? Moi, je trouverais ça dommage qu'une équipe qui gagne la Coupe Stanley dise « Ah oui, mais ça a été fait par... » Tu sais, il faudrait mettre un astérix à côté de la Coupe Stanley, puis ça a été gagné dans un contexte très, très différent. Je trouverais ça dommage pour ceux qui la soulèvent, la Coupe Stanley. Format 24 équipes, comment vous trouvez ça? Marc? Ben, tu sais, 24 équipes, encore là, pour revenir à Stéphane, qu'est-ce qu'on disait, tu joues un trois quarts de saison, là, il était rendu, il restait combien, tu sais, pour ensuite enlever tout le mérite de ceux qui ont travaillé fort pour être dans les 16 équipes. Ensuite de ça, il arrive quoi des équipes 25 à 31, et ils vont avoir un partage de revenus également? C'est quoi, j'ai pas vu au juste, là, c'était quoi l'entente, mais il faut que ces équipes-là soient compensées aussi. Là, si tu fais ça pour le bien de la Ligue nationale, comprends-tu, là, il y a plein de bémols pour moi là-dedans. Puis, savez-vous, les gars, que les Sabres de Buffalo et les Devils du New Jersey avaient deux matchs en main sur le Canadien? Il y avait des matchs en main sur le Canadien. Puis le Canadien, s'il aurait joué ces matchs-là, il aurait pu devancer le Canadien au classement. C'est assez spécial, pareil, quand on regarde ça, là. Ben, c'est ça. Il fallait trancher à quelque part. Le Canadien a été les chanceux dans tout ça. Sûrement qu'on est frustré ailleurs. Mais 24 équipes, encore une fois, c'est essayer de trouver la meilleure formule actuellement pour minimiser les pertes. Les marchés, on en a parlé dans les médias, le marché montréalais, New York, Chicago, c'est des gros marchés. Malheureusement, il n'y a personne en Californie. Mais c'est ça. Les gars, le hockey est secondaire. Le sport est secondaire. Ouais. C'est l'argent qui dicte les décisions actuellement. Et ça démontre dans le système qu'on vit actuellement, c'est un système capitaliste où l'argent fait foi de tout. Oui. Hey, mais j'ai vu quelque part, que Stéphane, que ça pourrait rester 24 équipes. J'espère que non, parce que quelque part, c'est Moi, j'aime le format de 16 équipes en finale, en série. Ça donne une bien plus grande valeur à la saison régulière. Ben, c'est encore là. Pourquoi 24 équipes? Parce qu'il y a 6 autres équipes additionnelles qui vont aller chercher des revenus, un ou deux, peut-être, si on fait des 4 de 7 en plus, ils peuvent aller chercher plusieurs matchs de revenus pour les matchs disputés à domicile. Après ça, pour les droits de télévision, on augmente les revenus. Gary Bettman, là, c'est pas un vrai fan de hockey, c'est un excellent gestionnaire de sport. Il a fait croître la Ligue nationale qui a des revenus incroyables. Puis c'est ça son focus. Et si, à partir de là, il est capable d'amener encore davantage d'argent pour les dirigeants de la Ligue nationale, bien, il ne va pas se gêner, ça, c'est certain. En plus, à 24, là, ça n'arrive pas, on s'entend là-dessus. Là. Puis pour moi, là, donne un bail là, aux premières équipes, parce que là, tu n'as pas le choix. Hein, parce qu'à 24, tu tombes à 12, tu tombes à 6, tu tombes à 3, ça n'arrive pas. Mais les séries, c'est une source de revenus incroyable. Fait que là, toi, là, ton équipe qui finit premier, il participe pas à la première ronde des séries, puis c'est des revenus, là, il y a 28 000 personnes dans l'amphithéâtre, plus que tout, qu'est-ce que ça, vu qu'ils ont fini premier, il y a un engouement, il y a souvent des souvenirs de plus, ta restauration en marche, ça vaut peut-être 2 millions de la game, là, ces games-là, fait qu'une ronde, mettons que ça serait, tu joues 3 à 4 games à la maison, à 2 millions, ça c'est 6-7 millions que tu aurais encaissé, là, si tu jouais, mais là, vu que tu as fini premier, ta récompense, c'est que tu ne joueras pas ta première ronde et que tu vas perdre peut-être 6-7 millions de revenus. Là. Plus Marc, un point important, là, quand tu as un bail, là, nous autres dans le collégial, cette année, on avait un bail, les Cougars du Collège Champlain. On affronte une équipe qui joue une ronde supplémentaire, qui gagne une série, qui arrive gonflée à bloc. Fait que tu as fini premier, tu perds de l'argent peut-être, puis là tu prends un adversaire qui lui a plus rien à perdre, mais qui a vécu déjà une première ronde, qui est déjà en mode série. Ça peut être un avantage pour l'équipe qui rentre en série là, versus la grosse équipe qui a eu le bail. Une équipe comme les Sénateurs d'Ottawa, ça va pratiquement être un an sans jouer. Quand tu regardes ça. C'est quand même incroyable pareil. Là. Ben c'est ça. La logistique de la Ligue nationale fait en sorte que tout va être déboulé. D'où mon plan favorable à dire, OK, on met un bémol sur cette série-là, tout le monde est égal, il n'y a pas de Coupe Stanley parce que dans la formule, on ne veut pas la dénaturer. Et on part la saison prochaine dès qu'on va pouvoir avec une formule des plus régulières possible. Mais non, on veut aller chercher le maximum d'argent. Le Canadien là-dedans, Marc, comme Pittsburgh, J'ai vu des gens dire que Carey Price, les Pingouins, trouvaient ça pas drôle d'affronter Carey Price. C'est une fake news, ça. Le gars, quand même, a jamais rien gagné en séries éliminatoires. Les Pingouins ont gagné 3 coupes cette année en 10 ans. J'aurais pas peur. Moi, Carey Price, c'est drôle, hein? Ah ouais? Ben, moi, je t'annonce que tout est possible. Quand t'arrives dans une série, là, Danny, là, c'est une autre saison. Ouais. On met à poubelle tout ce qui est arrivé dans le passé, là, tu mets ça à poubelle. Ça change rien que les Pingouins ils aient battu 10 fois de suite, qu'ils aient gagné des séries, 3 Coupes Stanley. Dans quel état que les joueurs vont arriver physiquement? C'est pas tout le monde là, qui dit que Malkin là, il va arriver peut-être out of shape, que le Canadien, eux autres, arrivent dans des bonnes conditions. La chimie s'installe en partant. Tu gagnes le premier match, tu mets l'autre équipe sur les talons. Non, c'est pas bête là, qu'est-ce qu'ils disent là. C'est pas de dire que le Canadien va gagner, mais tu peux pas dire que c'est pas possible parce que toutes les équipes, n'importe qui peut battre n'importe qui. C'est sûr que ça justement, dans une situation comme ça, Danny, tout est possible. Tout va être bizarre. Ça va être très bizarre. Là. Parce que la première ronde, ça peut être un 3-5, d'après moi. Ce ne sera pas un 4-7. On ne voudra pas allonger ça davantage, j'imagine. Ben, de ce que j'ai compris, c'est que la première ronde, ça sera un 3-5, mais c'est pas les séries. C'est une qualification pour les séries. Ouais, par la suite, les joueurs devront choisir. Mais pour répondre à la question, puis pour surenchérir ce que Mac a dit, dans une réalité de la Ligue nationale, tout le monde peut se battre. C'est encore plus vrai en série éliminatoire. Mais tu as toujours l'aura de Carey Price qui, encore une fois, moi, m'étonne toujours. On l'a qualifié encore de meilleur gardien de but au monde là, après les fêtes, malgré une saison désastreuse. Carey Price, il y a le respect des gens. Il faut accepter ça. Mais moi, je pense que les Penguins de Pittsburgh va avoir peur de Montréal, mais aurait eu peur même des Red Wings de Détroit, parce que c'est à recommencer, comme Marc l'a mentionné. Puis il n'y a jamais rien d'acquis dans ce milieu-là. Tout peut changer très, très rapidement. Ben, messieurs, on va s'en reparler certainement pas mal de fois cet été, parce que le hockey en été, ça vous fait très bizarre, mais bref, on va suivre ça d'après. Messieurs, merci beaucoup, Stéphane. Je vais te laisser aller tes occupations. Puis Marc, ben, ça, pour la deuxième fois cette semaine, un gros merci. Puis on s'en reparle un autre temps. Ça fait plaisir. Messieurs, bonne journée. Marc Fortier, Stéphane Labeau.